sur RGM à 8h37. On parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 2 octobre 1950, naissance de Mike Rutherford, auteur, compositeur, musicien britannique, guitariste du groupe Genesis. 1951, naissance de Sting, chanteur, musicien britannique. 1954, naissance de Lauren Bracco, actrice américaine connue pour son rôle du docteur Jennifer Melfi dans la série télé Les Sopranos et son rôle d'Angela Rizzoli dans Rizzoli and Isle. 1959, naissance de Luis Fernandez, ancien joueur de foot devenu entraîneur, joueur de 1978 à 1993 en jouant à Paris, au Matra Racing et à Cannes, devenu ensuite entraîneur de Cannes, du PSG, de l'Athletic Bilbao, de nouveau du PSG, du RCD espagnol, de Al Rayyan SC, du Betar Jérusalem, du Betis Séville, de Reims, d'Israël, de la Guinée, actuellement consultant et directeur sportif du centre de formation du Paris Saint-Germain. 1971, naissance de Tiffany, chanteuse américaine notamment connue pour le titre I Think We Are Alone Now, dont on écoute tout de suite un extrait. Pour l'extrait de la chanteuse Tiffany. On continue. 1972, naissance d'Emma Colberti, comédienne française connue pour son rôle de la Valentine Léger dans la série télé Jamais 200 toits, vue dans Alice Nevers, Le juge est une femme, Père et mère, Section de recherche, The Joséphine, Ange gardien. Et depuis 2018, elle joue dans la série Ainsi grand soleil le rôle de Ève. 1973, naissance de Franck Delay, chanteur comédien français qu'on a connu grâce au boys band des To Be Free, aux côtés d'Adèle et de Philippe, vu dans la série Pour être libre, inspirée de la vie des To Be Free, vu également dans Sous le soleil. Et depuis la saison 16 des Mystères de l'amour, eh bien on peut le voir chaque samedi et dimanche soir aux côtés d'Hélène et les garçons, hein, dans le rôle de Pierre. Et on va se remémorer un petit peu les années 90, fin 90, avec un tout petit extrait de Partir un jour. Voilà pour l'extrait donc de Partir un jour des To Be Free. On continue. 1984, naissance de Marion Bartoli, ancienne joueuse de tennis française ayant fait carrière de 2000 à 2013, qui a été numéro 7 mondial en simple en 2012, qui a gagné une fois Wimbledon, demi-finaliste à Roland-Garros, quart de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open. En double, elle a été numéro 15 mondial en 2004, demi-finaliste à l'US Open, quart de finaliste à Wimbledon, huitième de finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros. Et en Fed Cup, elle a été finaliste avec l'équipe de France en 2004. 2004. 1985, naissance de Marc-Antoine Lebray, imitateur et humoriste français. 1998, naissance de Maxime Godard, acteur français, vu en 2009 dans le film Le Petit Nicolas, dans le rôle de Nicolas. Et en 2017, décédé Tom Petty, chanteur-guitariste américain de rock, qu'on écoutera en fin d'émission. Et avant de faire une pause musicale, on va faire un point sur les sorties cinéma, comme tous les mercredis. On va parler de 4 films. On commence avec celui-ci, Gemini Man, un film d'action science-fiction de Ang Lee avec Will Smith, Mary-Elizabeth Winstead et Clive Owen. Autre film, J'irai où tu iras. Et c'est le retour de Laila Bechti et Géraldine Nakache ensemble au cinéma dans la comédie réalisée par Géraldine Nakache. On peut y retrouver également Patrick Timsit. Je l'ai vu en avant-première à Épinal. N'hésitez pas à y aller. Il y a de l'émotion, il y a du rire. On pleure presque de rire. On chante également sur certaines chansons. Donc voilà, allez-y si vous voulez passer un bon moment. Autre film, Alice et le maire, comédie dramatique de Nicolas Pariset avec Fabrice Lucchini, Anaïs Demoustier et Nora Hamzaoui. Et enfin, dernier film, Vous êtes jeune, vous êtes beau, drame de Franck Hindon avec Gérard Darmon, Josiane Balasco ou encore Patrick Bouchité. Allez, petite pause musicale avec Steen en duo avec Gims. Oui, puisqu'on ne peut plus l'appeler Maître Gims, maintenant c'est Gims. Et ils interprètent le titre Reste. Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. And every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. Et derrière ça, de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis et là. Derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait Si jamais tu partais. mais tu iras où, où, où. Si je m'en vais, ça me rendrait mais tu iras où, où, où. Si je m'en vais, ça me rendrait Sting et Gims sur le titre reste sur le 107 FM. Il est un petit peu plus de 8h47 et nous on parle météo. La météo. Bon, on va pas se mentir, aujourd'hui c'est pas génial. On va passer la journée sous la pluie avec peut-être quelques éclaircies en fin d'après-midi. Mais principalement, ce sera de la pluie. Des températures comprises entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 13 et 15 degrés pour cet après-midi. Jeudi devrait être une belle journée ensoleillée. Si c'est le cas, on va devoir en profiter. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 12 et 13 degrés prévues pour jeudi après-midi. Et vendredi, ce sera de la pluie. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. En football, en Ligue des Champions, victoire du Paris Saint-Germain, 1 but à 0 sur la pelouse de Galatasaray. Le Real Madrid a réussi à décrocher le match nul, 2 buts partout face au club de Brugge. La Juventus de Turin s'est imposée 3 à 0 face à Leverkusen. Et le Bayern Munich s'est largement imposé sur la pelouse de Tottenham, 7 buts à 2. Aujourd'hui, Lille reçoit Chelsea, Lyon se déplace au Leipzig et Barcelone reçoit l'Inter de Milan. Un mot d'athlétisme en 200 mètres, déception pour Carole Zahi qui a échoué en demi-finale. En perche, Valentin Lavilloni, le frère de Renaud Lavilloni, a terminé 6e du concours. En 400 mètres, pas de finale pour Déborah Sanan. En 3000 mètres, stiple. Beau cadeau d'anniversaire pour Djilali Bedrani qui s'est qualifié pour la finale. Et en marteau, qualification également pour la finale pour Quentin Bigot. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi de Pékin où il n'y a plus de Française en compétition après l'élimination hier de Blanedovic en 2-7 face à Kvitova, 6-4, 6-4. Et élimination des Français également hier. Richard Gasquet s'est incliné en 2-7 face à Thiem, 6-4, 6-1. Mon fils s'est incliné en 3-7 face à Isner, 6-4, 6-7, 6-3. Aujourd'hui, Chardy affrontera Kachanov. À Tokyo, un petit peu plus tôt dans la matinée, Adrian Manarino a été éliminé en 3-7 par Milman. Et un petit peu plus tard dans la journée, Lucas Pouille affrontera Nishioka et Gilles Simon sera opposé à Opelka. Et on termine avec du rugby en Coupe du Monde dans un petit peu moins d'une heure. France, États-Unis. Allez les Bleus. Allez, tout de suite la dernière pause musicale avec Tom Petty et le titre Learning to Fly. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Et voilà, c'était Tom Petty avec le titre Learning to Fly. Et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Juste après le générique de fin, on écoutera Lia qui va nous parler du concours de Super Mamie. À 10h, on se retrouvera avec l'émission Legends. À 11h30, ce sera à la rencontre d'auteurs avec Chris. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 20h, Nothing But The Blues, suivi juste après de la rediffusion de Vivre et Créa à la montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.